Garçon, tu es bien mal habile, pile, pile. À la fête, ton foie te fait vomir la bile, bile, bile. Le son de ta voix ne sonne pas crédible, dible, dible. Qu'est-ce que ça pour oser parler aux filles, filles, filles? Tu te mets la pression, garçon. Trop d'images et de sons. Dans l'écran, la prison. Les mensonges sont montés carrés. Sans armée. Garçon, cela semble impossible, garçon. Cible, cible. Garçon, semble, elle semble invincible, cible, cible. Tout garçon. Au fond de ton fond, ça ne va pas terrible, rible, rible. Devant, ton sourire fait semblant, semblant, semblant. Tu ressembles au poisson, garçon, carpe muet goujon. Tu voudrais choper ce qui brime. Est-ce un hameçon, est-ce une fille? Tu as bu toutes les potions, garçon, fumé avec conviction. Pas crédible, dible, dible.